presque toujours, il trouvait Madame Arnoux montrant à lire à son bambin ou derrière la chaise de Marc qui faisait des gammes sur son piano. Quand elle travaillait à un ouvrage de couture, c'était pour lui un grand bonheur que de ramasser, quelquefois, ses ciseaux. Tous ses mouvements étaient d'une majesté tranquille. Ses petites mains semblaient faites pour épandre des aumônes, pour essuyer ses pleurs. Et sa voix, un peu sourde naturellement, avait des intonations caressantes et comme des légèretés de brise. Elle ne s'exaltait point pour la littérature, mais son esprit charmait par des mots simples et pénétrants. Elle aimait les voyages, le bruit du vent dans les bois et à se promener tête nue sous la pluie. Frédéric écoutait ces choses délicieusement, croyant voir un abandon d'elle-même qui commençait. La fréquentation de ces deux femmes faisait dans sa vie comme deux musiques. L'une, folâtre, emportée, divertissante, l'autre, grave et presque religieuse. Et, vibrantes à la fois, elles augmentaient toujours, et peu à peu se mêlaient. Car, si Madame Arnoux venait à l'effleurer du doigt seulement, l'image de l'autre, tout de suite, se présentait à son désir, parce qu'il avait, de ce côté-là, une chance moins lointaine. Et dans la compagnie de Rosanette, quand il lui arrivait d'avoir le cœur ému, il se rappelait immédiatement son grand amour. Cette confusion était provoquée par des similitudes entre les deux logements. Un des bahuts que l'on voyait autrefois boulevard Montmartre en est à présent la salle à manger de Rosanette, l'autre le salon de Madame Arnoux. Dans les deux maisons, les serviettes de table étaient pareilles, et l'on retrouvait jusqu'à la même calotte de velours traînant sur les étagères. Puis, une foule de petits cadeaux, des écrans, des boîtes, des éventails, allaient et venaient, de chez la maîtresse, chez l'épouse, car, sans la moindre gêne, Arnoux, souvent, reprenait à l'une ce qu'il lui avait donné pour l'offrir à l'autre.